message. Né au bord du désert, d'un monde à l'envers, porté à la terre. Message d'une mer couverte d'écume, une présence dans la brume, message de fortune. Ouvre les yeux, le parfum dansant, le rêve blanc est juste là devant, caché dans le miroir, à l'envers du buvard. Message à qui veut bien l'entendre. Merci.